noyer les assauts des envahisseurs qui veulent me surprendre. Je sens l'artillerie et le lobby qui fait grisner. Je sens la panoplie du bon soldat comme un vieux Jim. Les lettres jonchées sur les marges du cahier n'attendent qu'un fou pas. Les fantassins qui sont avancés, rangés deux par deux, majuscules en première ligne, attendent le signal pour lancer cette grande offensive. Contre les damages, les verbes sentent leur mort. Débarquement final pour ces valeureux conquistadors. Dans les peines de ma feuille, je sens monter des mauvaises odeurs, des coups de hache dans leur face en relâche. L'horizon s'assombrit, ma vision s'affaiblit devant cette muraille de métal, des châteaux de spirale. Mon armée des mots attaquer certains ennemis risque de prendre cette claque et que le sang coule en flaque. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, je dévoile les tentes d'un blanc. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, l'artilleur sort ses munitions. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, je déploie les tentes d'un blanc. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, l'artilleur sort ses munitions. Devant cette horde de chacals, mon armée n'est plus de taille pour lutter contre cet alphabet qui m'envoûte et cisaille comme une tenaille. Puis entre le bien et le mal, serré dans la gueule des chiens, en gros pointu comme une lame, une inévitable bataille se prépare. Et j'enfile mon armure de voyelles et des couteaux de maille. Sans couteau ni glaive enfilé, je tombe dans l'arène et j'ose m'affronter aux belliqueux armés jusqu'aux oreilles. Cette foule en délire m'acclame et moi pour le plaisir, je saigne les insultes avec mon arme, mon micro de cuir. Venir ces hommes qui m'empêchent d'être un vrai bonhomme à beaucoup d'injures, je les tape et c'est mes lèvres qui les collent. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, je dévoile les tentes d'un blanc. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, l'artilleur sort ses munitions. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, je dévoile les tentes d'un blanc. Mon armée résonne, sonne, mes mots sont plus cassants. Chargé de cette émotion, l'artilleur sort ses munitions. Par besoin d'une âme, par des mots si forts nous suffira pour faire tomber ces cons. Je crois anéantir ce monde-là. On style le pocanon, mon armée de toute façon a pour seul but une mission, leur prouver qu'ils ont tort et moi raison. Manipulation avec agilité d'un armement, avoir l'impression d'être entendu de toute une nation. Tous à l'unisson devant ces guerres, devant ces pauvres gens. Mon armée jette un feu, mon arbalète est pour les résistants. Colonisation devant ma feuille et mon stylo d'argent. Des verbes se déroulent et le pilleur en détérioration. Décomposition face aux menaces, mais je n'ai plus de mots pour nommer toutes ces tâches avec mon armée des mots. Oh.